quand je regarde le ciel, ce beau ciel étoilé, contempler la misère qui a été créée. Une partie de l'histoire a été oubliée, ou passée sous silence pour ne pas l'exploiter, comme un avertissement pour tous les égarés. Le jour de la créance a été annoncé, mais les démons se déchaînent, sont partout les premiers, envahis par la haine et sous un vice caché. Mission impossible, nous sommes tous prisonniers, quand viendra la lumière pour nous libérer. Mission impossible, nous sommes tous prisonniers, quand viendra la lumière pour nous libérer. Et tous ces philosophes avaient cru déclarer que la raison suprême allait tout nous sauver, mais malgré ce progrès pas vraiment partagé, voici venu le règne de l'espèce arriérée. L'homme et son ignorance a fait couler du sang, de l'Europe en Afrique, en passant par l'Orient, sans jamais s'arrêter dans les couloirs du temps, laisse la signature de son esprit décadent. Mission impossible, nous sommes tous prisonniers, quand viendra la lumière pour nous libérer. Mission impossible, nous sommes tous prisonniers, quand viendra la lumière. Faire mal et regarder en arrière, il y a tant de messages qui sont à méditer, et toujours cette peur qui nous empêche d'avancer à la recherche d'une science classifiée sans raison, pour savoir si la vie est en trois dimensions. L'histoire n'a pas de mythe et tout n'est qu'illusion, et qui était vraiment Vénus et Apollon? Impossible, trop de défauts à écarter, même si certains veulent pourtant espérer. Impossible, la mission du Seigneur en paix. Sans ces traités, impossible et la société. Mission impossible, nous sommes tous prisonniers. Quand viendra la lumière pour nous libérer? Mission impossible, nous sommes tous prisonniers. Quand viendra la lumière pour nous libérer? Mission impossible, nous sommes tous prisonniers. Quand tous les égarés.